Exercice 7, page 32. A. Ils vont à Alger. Transformer. Il va à Alger. B. Ils vont à Athènes. Transformer. Il va à Athènes. C. Ils vont à Oslo. Transformer. Il va à Oslo. D. Elles vont à Amsterdam. Transformer. Elle va à Amsterdam. E. Elles vont à Istanbul. Transformer. Elle va à Istanbul. F. Elles vont à Édimbourg. Transformer. Elle va à Édimbourg.